L'Association britannique d'études de la politique de Sun Gun a inséré dans son homepage d'Internet un écrit qui présente la lutte de la population sud-coréenne. Elle a noté que la lutte de la population sud-coréenne contre la disposition du SAD manifeste son opposition à la guerre et sa demande du retrait des troupes américaines.